chaud, je sors sans un mot, sans personne à qui parler, sans couleur pour espérer passer une bonne journée. Les murs de la rue sont gris, le chemin du boulot semble maigre, le patron est aigri, ma conscience et les douleurs aigres. La vie ne devient pas ce qu'on en fait, y'a toujours une bande de cons pour t'emmerder. Je sais que je ne serai jamais en paix, et tous ces blocs sont loin de l'harmonie de la prosérité. Je racle le plat pour que le patron m'augmente, même si on connaît tous ceux qui mentent. Il n'existe déjà plus de plantes, et c'est triste à dire, mais le néant m'enfante. Des solutions, bah, y'en a même pas 30. Et l'espoir, ce connard, bah, il me plante face à ce mur. Et la loi présente qu'un être humain comme nous ne se présente. L'amour est exprès de moi, je ne sais pas où il se cache. Il est froid et sans effroi, il faut toujours le payer cash. L'amour est tout près de moi, je ne sais pas où il se cache. Il est froid et sans effroi, il faut toujours le payer cash. Ce soir je m'évade, ou quelque part, un mur de son et un carton imprégné, des cadres entreprises au motard. Et en plus tout ça m'est payé, tout d'un coup la misère du monde disparaît. Je me fais du mal et alors je le sais, alors pourquoi essayer de me contrarier. La vie est une prison mais facile de s'échapper. L'imagination perdue prend forme sous mon visuel, les conséquences anticipées d'influence que les séquelles. Et ce mystérieux produit vous donne à tous des ailes. Dans la vie il fait chaud et pourtant je me les pèle. Mon cerveau ne se gêne et mes gènes se renouvellent, mon esprit comme ma paupelle. Une piqûre de vampire pour que je puisse partir, sans prévenir au peuple de la nuit résistant à cet empire. L'amour est tout près de moi, mais je ne sais pas où il se cache. Il est froid, sans effroi, il faut toujours le payer cash. L'amour est tout près de moi, mais je ne sais pas où il se cache. Il est froid et sans effroi, il faut toujours le payer cash. J'ai kiffé ce bon buvard. Ici tout est mort et je reste un buveur. Les femmes m'éblouissent avec leurs phares. Et pour mon sommeil, le soleil n'a plus d'heure. Je vais au boulot défoncé. Je kiffe la life, le chemin non rebroussé. J'aime mon patron qui lui aime m'insulter. Je mélange le patron, le dossier trop abusé. C'est urgent, ça me fait glousser, mousser, tousser, tout sait que la vérité c'est pas osser. M'en fous de ma femme et de mon taf. J'ai trouvé mon kiff et... pas besoin de temps faf. Ce soir je suis mort même si mon cœur bat. Toutes vos saloperies, eh ben je m'en bats. Pas savoir comment fait son bonheur ou son kiff. Se lever de bonheur ou fumer des spliffs. Les injustices, les injustices et tous les malheurs même minimes sont des souffrances. L'amour est tout près de moi mais je ne sais pas où il se cache. Il est froid et sans effroi, il faut toujours le payer cash. L'amour est tout près de moi mais je ne sais pas où il se cache. Il est froid et sans effroi, il faut toujours le payer cash. L'amour est tout près de moi mais je ne sais pas où il se cache. Il est froid et sans effroi, il faut toujours le payer cash.